Grâce à British Connection, je n'ai plus de cheveux blancs. J'ai perdu mes 10 kilos en trop et j'ai même arrêté de fumer, du jour au lendemain. Bon, pour être honnête, cette publicité est totalement mensongère. British Connection, c'est juste une super émission rock et c'est déjà pas mal. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. C'est la dernière partie de British Connection, on parle du prochain Rockin' Kiosk, c'est samedi. Alors, le dit président du Cri de la Libellule, moi je l'ai reconnu, hein. Ça fait un moment qu'il est avec nous dans le studio, mince, quel idiot je suis. Voilà. Alors, et ben notre invité mystère, c'est bien sûr Tip Stevens. Salut Tip, comment vas-tu? Salut à tous, ça va très très bien. On vient de mettre ton nouveau morceau, ça fait 2 semaines que l'EP est sorti. Tout à fait. Raccoon? Ouais, Raccoon, le 3e EP cette année. Là je suis dans une grosse année où je me suis fixé le défi de sortir 5 EP en un an. Wow. Avec l'Olympia pour fêter ça à la fin de l'année, le 7 novembre 2025. Et là on a fait un morceau de Raccoon. Eh bah écoute, je te remercie de nous avoir invité Tip Stevens dans British Connection parce qu'il est samedi au Rockin' Kiosk et attends, tu prépares ton Olympia au mois d'octobre. Mais ouais, c'est au mois de novembre, c'est le 7 novembre. Ah, novembre, pardon. Tout à fait. Oh, mais c'est à la fin de l'année, hein. Ouais. C'est vraiment le... Bah, en fait, ça fêtera un petit peu, je vais dire, les 5 ans de mon projet solo qui a commencé fin 2020. Et donc, du coup, là, on fait un espèce de rush final pour fêter ça, là, pour fêter les 5 ans avec les... Bah, justement, les 5 EP. Et puis, c'est pour ça qu'on a appelé ça la Road to Olympia cette année. Mmh. Ouais, alors, puis moi, depuis que ton EP est sorti, à chaque fois que j'ouvre mon frigo, j'ai peur. J'ai l'impression qu'il y a des raccoons dans le frigo. Non, mais le clip est énorme. Ah, t'es tombé là-dessus, oui, c'est vrai que... Le clip est énorme. Et écoute, est-ce que tu as des dates de festival? Je sais que tu te prépares tu commences à te concentrer, à réfléchir pour l'Olympia, mais ouais. Est-ce que tu te dis, allez, je me fais quelques petits festivals cet été? Bah, oui, on avait des festivals qui étaient déjà prévus. Là, j'ai plus exactement les noms, mais on a le 8 juillet, on a le 12 juillet, je crois, au Sable d'Olonne, par exemple. On a aussi le... De toute façon, c'est trouvable très facilement sur les réseaux, mais ça va être l'occasion de tester des choses pour justement l'Olympia, voir ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Quand tu testes devant le public, c'est toujours d'avoir la vérité, quoi. Bah, écoute, on va en parler des réseaux, de ton public, de ce que tu fais sur scène. Dans un sens, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais, la scène à Saint-Michel, tu vas pouvoir sauter dans tous les sens parce que c'est ton cas, quoi. Tu bouges beaucoup sur scène. Il est possible que ça m'arrive d'être un petit peu hyperactif sur scène. Et puis, on parlera également de ton nouvel EP. Et puis, là, tu es venu avec un morceau qui n'a rien à voir avec toi. Enfin, c'est un groupe que tu aimes bien, Turnstile. Ouais, Turnstile, Blackout. Donc, j'ai choisi des morceaux aujourd'hui très différents. Mm-hmm. Et celui-là, je pense que tu m'as demandé des morceaux coup de cœur. Je pense que Turnstile, c'est vraiment le groupe coup de cœur que j'ai eu récemment. Je sais pas pourquoi. Là, il y a un nouvel album, donc c'est pas dans le nouvel album là ce qu'on va écouter. Mais le nouveau et justement le précédent, dont le titre est tiré là. Et je trouve que c'est. Je trouve ça fou. Et bien, c'est ton premier choix musical dans British Connection. And I could lie. You know, won't be long until the end. Let the spotlight shine on me again. Back out in the middle of your life, just like a black. Manifestation, chômage, catastrophe naturelle, pandémie. Faites un break. Ah, respirez. Écoutez British Connection, l'émission rock qui vous aime et prend soin de vous. Les Noirs veulent monopoliser la lutte antiraciste. Il est hors de question que vous êtes. Faire peur à votre système. La meilleure façon de se payer comme ça, c'est de travailler. Voilà, c'est même plus travailler. C'est ridicule. Vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que de donner une image hystérique. Les gens se suicideraient aujourd'hui 4 fois plus qu'avant la pandémie. Test

Bah, Raccoon, c'est celui que j'ai voulu sortir là, donc sur les 5 EP cette année. Je me suis dit, celui-là, je le mets au milieu parce que c'est peut-être le plus évident dans ce que les gens connaissent de ce que je fais, tu sais, sur le côté un peu pop-rock, un peu coloré et tout, ce que je faisais à l'époque avec Teacup. Là, je me suis dit, je le mets juste avant la sortie de... Quoi, juste avant l'été. Le sortir juste avant l'été, comme ça c'est good vibes, c'est un tube de l'été, tiens, pour ouais. TF1. Hors tube, je sais pas, hein, mais je trouve que c'est, ça s'y prête bien, là, justement, en tant que marqueur du milieu de cette road to Olympia, là. Et donc voilà, Raccoon, c'est le côté un petit peu. Tu regardes, chacun de mes EP a un nom d'animal. Et du coup, Raccoon. Pourquoi Raccoon? Bah, en fait, on se marrait avec les potes à se dire que, bah, en fait, c'est à la fois mignon. Mais à la fois, il peut défoncer tes poubelles. Tu vois, c'est le raccoon, le côté un peu irrévérencieux, mais c'est un vrai salaud en fait. Voilà. Que fait la police Mais c'est mignon. Tu vois, t'as envie de tout lui pardonner, tu vois. Donc, et concert samedi au Rockin' Kiosk, tu vas jouer combien de temps? Je pense qu'on va jouer plus d'une heure, tu vois, genre un truc genre une heure et quart, voilà, c'est ça qui est chouette. C'était 3h30, 6h finalement. Ouais. Et donc du coup, il y aura évidemment des morceaux du dernier EP qui est sorti il y a 2 semaines. Tout à fait. Et tout puis un petit mélange de toutes de ces années, Tip Stevens, ça fait quoi, 5 ans, 4 ans, 5 ans? Ouais, ça fera 5 ans à l'Olympia, en novembre prochain, là. Et de toute façon, moi, les gens le savent, hein, c'est toujours la prise de tête pour faire des setlists. Je fais des trucs de tellement de styles différents, il y a tellement de choses qui sortent chaque année que voilà, faut sélectionner, faire un espèce de petit panel de tous les morceaux, tous les univers, quoi. Et typiquement, quand sur une saison ou sur une année, je sais pas, t'as plusieurs concerts, t'as le même setlist ou tu modifies à chaque fois? Je pense que toute mon équipe adorerait que ce soit la même setlist pour pouvoir la bosser efficacement, pour pouvoir la roder et tout ça. Je change mes setlists toutes les 2 minutes parce que j'ai envie de tester de nouvelles choses et que j'ai envie de voir ce que ça donne, quoi. Moi, je trouve ça tellement horrible, moi, quand je vais à des concerts, typiquement. J'adore Sting, mais Sting, tu le vois sur 20 ans, en solo, c'est les mêmes setlists, quoi. Je trouve ça horrible. Enfin, après, c'est des gros trucs, mais je trouve ça tristounet, quoi. Ouais, et après, je peux comprendre aussi le truc où, là, moi, c'est les trucs que je ne vis pas, je ne connais pas du tout. C'est que quand t'as les artistes qui sont aussi gros que ça, en fait, tu dois tellement avoir une top liste de tous les morceaux qui sont tellement connus qu'ils ne peuvent plus ne pas les jouer. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Et en fait, tu te retrouves avec une espèce de cette liste forcée de allez, on va mettre que les tubes, sauf que ces mecs-là, c'est que des tubes. Tu vois, pour pousser le truc, c'est même jusqu'à la phrase qui te dit, juste avant le morceau, tu vois, ou la petite blague avec son musicien. Alors ça, après, c'est autre chose. Hein, c'est juste que là, quoi. Allez, encore un second choix, Cold Guns, que je connaissais pas, mais c'est terrible, c'est génial. Cold Guns, moi je suis tombé amoureux, c'est des Suisses, si je dis pas de bêtises. Et je sais plus comment je suis tombé là-dessus, juste l'intro, le son de batterie, puis le truc qui arrive après, je me suis dit, oh là là, mais ça tape tellement fort dans mon cœur, dans les trucs que j'aime bien, ça. Eh bien, on s'écoute tout de suite, c'est ton second choix dans British Connection. Yes. British Connection, just rock, just rock. Here they are. type, quand tu m'as envoyé tes morceaux, je me suis dit, mais ce morceau qu'on vient de passer, dans ton choix, c'est vrai, c'est toi, quoi. Bah, non, mais c'est pas moi qui joue. C'est pas toi, mais c'est mais vraiment ouais, ton univers. Ça, quoi. Ça fait partie des groupes où tu tombes dessus. En effet, t'as envie de dire, mais pourquoi c'est pas moi qui ai composé ce morceau? Il y a un truc, tu te dis, ça tape tellement fort dans ton cœur, c'est vraiment. Ça reprend tout. Tu sens que la personne a écouté les mêmes choses que toi. Ah, et, ouais, tout, quoi. Et vraiment, Cold Guns, je me dis, mais quel groupe, quoi. C'est vraiment le son, tout. Je trouve ça exceptionnel. Alors, on peut te retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux. Tu peux, alors, t'es très très actif. Hein. Moi, je te suis sur Facebook, hein, comme le dit, on est old school, nous. On est plus Facebook. Moi, Mimo, me disent Facebook, quoi, ouais. C'est un truc de vieux. Enfin bon. Ouais. Mais en attendant, c'est là-dessus que je te vois, tes petites vidéos. Alors, quand t'échanges avec les gens, tu discutes. Ouais. Je trouve ça hyper sympa. Tu fais ça depuis un moment aussi, parce que ça avait commencé avant ton projet, non, tout ça. Non, ouais. Comment ça a débuté? Bah, du coup, il y a sur les réseaux, moi, je suis un peu partout, mais surtout, on parle souvent de Twitch. Moi, je stream sur. Donc, c'est l'équivalent de YouTube, mais t'es pour le direct. Quoi. Et moi, c'est un truc que j'ai commencé à l'époque où, avec Ticket Monster, on jouait au download. Et je me suis dit, vas-y, je vais répéter tous les jours pour être à la hauteur du truc. Et je me suis dit, ah bah tiens, plutôt que de répéter tout seul chez moi, je vais faire ça en live avec les gens. Mmh. Et puis ça a pris. Et puis finalement, j'ai commencé à faire de plus en plus de live musicaux, faire des covers, faire des trucs. Et puis maintenant, c'est devenu la plateforme où je suis le plus actif. Tu partages les trucs avec les gens, je compose en compagnie des gens et tout. Et du coup, bah forcément, ça a fédéré une petite communauté. Qui est hyper fidèle et qui a vu les compos se créer en direct devant leurs yeux, et puis maintenant, voilà, qui suivent en concert, qui suivent partout, et c'est assez fou. Hein, et tes concerts sont pleins, justement, sur tes réseaux, on voit, les concerts sont pleins. T'as fait la Cigale aussi, il me semble. Ouais, on a réussi à faire complet la Cigale, c'était assez fou, en vrai. Ouais. Franchement, t'étais là, Didier. Bah ouais, grâce à toi, d'ailleurs. Je te remercie. Encore. Avec grand plaisir. Hein. Et non, c'est assez fou ce qui se passe en ce moment, et puis c'est pour ça, là, le défi de cette année. Là, pour être très honnête, on s'est booké l'Olympia en se disant c'est la Cigale x2 niveau capacité, jamais on va réussir à la remplir. C'est trop chouette de se mettre cette espèce de lanterne là, au bout de l'année, c'est ça ton objectif là, il va et c'est l'Olympia donner, quoi. Enfin, c'est... J'y étais il y a un mois, tiens, pour Sister of Mercy, donc c'était ouais, voilà. Ah ouais. Ça c'est pour la petite histoire. Et vous faites, il y a une première partie. Oui, il y aura une première partie, mais c'est toi qui l'as choisi ou comment ça se passe, une première partie? C'est pas encore choisi. Ah, donc, d'accord, mais est-ce que t'as un droit de regard là-dessus? Oh bah, de toute façon, c'est toujours une discussion entre le tourneur, nous, le label, tout ça. On discute. De toute façon, on a tous le même intérêt à ce que la première partie soit chouette, donc on discute de tout ça ensemble, quoi. Ok, écoute, alors tu nous rappelles le DID, c'est quand? C'est samedi, hein, c'est samedi. Samedi, oui. Samedi au Centre culturel Bachet à Saint-Michel-sur-Orge. Voilà, donc on rappelle les 5 groupes, vas-y, je te laisse. Que je me trompe. Putain, c'est le président, le mec qui connaît pas les... Non, mais c'est quand même ailleurs. Vous êtes, tu me prends à l'heure de la sieste. Je crois que ça commence avec Vanessa Paradis. Voilà, c'est ça. Ensuite, c'est Sting, il me semble. Ah bah, je viendrai. Voilà. Après, c'est la bande à Basile. Shaker Poisson et pas Shaker Poison. Ouais, Shaker Poisson, Lone Fury. Rise. Et c'est dans cet ordre-là? Non, c'est Shaker Poisson, Lone Rise, Nuit Fury, Ambiose et Tipeee. Ben voilà, ouais, je pense que ça va bien s'enchaîner tout ça. Ouais, ça va être sympa. Maladie, je te remercie, j'y serai, je viendrai. Merci à toi. Je te l'ai dit ou pas? Ben, bien sûr. Non, je serai sur place. Hein. Ouais. Merci infiniment d'être passé dans British Connection avec le DID, ça me fait très plaisir. Moi j'étais surresté type Cup Monster, tu vois. Ouais, mais moi je voudrais surtout remercier type d'avoir accepté de venir jouer chez nous. Oh bah, voilà, un grand merci à toi. Avec grand plaisir. Surtout avant l'Olympia, quoi. C'est quand même le truc de fou, quoi. Ouais. Merci à tous les deux. Et bien, on se retrouve samedi, Rockin' Kiosk, c'est le 19e. Et ça se trouve à Saint-Michel-sur-Orge. British Connection. Bonne traversée. British Connection, votre émission rock, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine, ici même sur votre radio favorite, même horaire, même fréquence, pour la dernière de la saison. Nous aurons l'album de la semaine, l'EP de Little Nemo, le tout nouveau. Et puis Philippe Gonin, pour la dernière, nous parlera des Cure à l'occasion de la sortie de son bouquin chez Le Mot et le Reste. Passez une excellente semaine et ne l'oubliez pas, en attendant British Connection, c'est votre émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Allez, salut.